Chapitre 7e. Des tristes jours commencèrent. Ils n'étudiaient plus dans la peur de déception. Les habitants de Chavignoles s'écartaient d'eux, les journaux tolérés n'apprenaient rien, et leur solitude était profonde, leur désœuvrement complet. Quelquefois ils ouvraient un livre et le refermaient. À quoi bon? En d'autres jours, ils avaient l'idée de nettoyer le jardin. Au bout d'un quart d'heure, une fatigue les prenait. Ou de voir leur ferme, ils en revenaient écœurés. Ou de s'occuper de leur ménage, Germaine poussait des lamentations. Ils y renoncèrent. Bouvard voulut dresser le catalogue du muséum et déclara ses bibelots stupides. Pécuchet emprunta la canardière de Langlois pour tirer des alouettes. L'arme, éclatant du premier coup, faillit le tuer. Donc il vivait dans cet ennui de la campagne, si lourd quand le ciel blanc écrase de sa monotonie un cœur sans espoir. On écoute le pas d'un homme en sabots qui longe le mur, où les gouttes de la pluie tombaient du toit par terre. De temps à autre, une feuille morte vient frôler la vitre, puis tournoie et s'en va. Des glas indistincts sont apportés par le vent, au fond de l'étable une vache mugit. Ils bâillaient l'un devant l'autre, consultaient le calendrier, regardaient la pendule, attendaient les repas. Et l'horizon était toujours le même, des champs en face, à droite l'église, à gauche un rideau de peupliers. Leurs cimes se balançaient dans la brume, perpétuellement d'un air lamentable. Les habitudes qu'ils avaient tolérées les faisaient souffrir. Pécuchet devenait incommode avec sa manie de poser sur la nappe son mouchoir. Bouvard ne quittait plus la pipe et causait en se dandinant. Des contestations s'élevaient à propos des plats ou de la qualité du beurre. Dans leur tête-à-tête, ils pensaient à des choses différentes. Un événement avait bouleversé Pécuchet. Deux jours après l'émeute de Chavignoles, comme il promenait son déboire politique, il arriva dans un chemin, couvert par des ormes touffues. Il entendit derrière son dos une voix crier « Arrête !» C'était Madame Castillon. Elle courait de l'autre côté sans l'apercevoir. Un homme qui marchait devant elle se retourna. C'était Gorju. Et ils s'abordèrent à une toise de Pécuchet, la rangée des arbres les séparant de lui. « Est-ce vrai ? » dit-elle. « Tu vas te battre ?» Pécuchet se coula dans le fossé pour entendre. « Eh bien oui !» répliqua Gorju. « Je vais me battre. Qu'est-ce que ça te fait ?»« Il le demande !» s'écria-t-elle en se tordant les bras. « Mais si tu es tué, mon amour, oh, reste !» Et ses yeux bleus, plus encore que ses paroles, le suppliaient. « Laisse-moi tranquille, je dois partir. » Elle eut un ricanement de colère. « L'autre l'a permis, hein ? N'en parle pas. » Il leva son poing fermé. « Non, mon ami, non, je me tais, je ne dis rien. » Et de grosses larmes descendaient le long de ses joues dans les ruches de sa collerette. Il était midi. Le soleil brillait sur la campagne, couverte de blé jaune. Tout au loin, la bâche d'une voiture glissait lentement. Une torpeur s'étalait dans l'air. Pas un cri d'oiseau, pas un bourdonnement d'insecte. Gorju s'était coupé une badine et en raclait l'écorce. Madame Castillon ne relevait pas la tête. Elle songeait, la pauvre femme, à la vanité de ses sacrifices, les dettes qu'elle avait soldées, ses engagements d'avenir, sa réputation perdue. Au lieu de se plaindre, elle lui rappela les premiers temps de leur amour, quand elle allait, toutes les nuits, le rejoindre dans la grange, si bien qu'une fois son mari, croyant à un voleur, avait lâché par la fenêtre un coup de pistolet. La balle était encore dans le mur. « Du moment que je t'ai connu, tu m'as semblé beau comme un prince. J'aime tes yeux, ta voix, ta démarche, ton odeur. » Elle ajouta plus bas. « Je suis en folie de ta personne. » Il souriait, flatté dans son orgueil. Elle le prit à deux mains par les flancs et la tête renversée comme en adoration. « Mon cher cœur, mon cher amour, mon âme, ma vie !» « Voyons, parle, que veux-tu? Est-ce de l'argent? On en trouvera. J'ai eu tort, je t'ennuyais, pardon. Et commande-toi des habits chez le tailleur, bois du champagne, fais la noce, je te permets tout, tout !» Elle murmura dans un effort suprême. « Jusqu'à elle, pourvu que tu reviennes à moi. » Il se pencha sur sa bouche, un bras autour de ses reins, pour l'empêcher de tomber, et elle balbutiait. « Cher cœur, cher amour, comme tu es beau !» « Mon Dieu, que tu es beau !» Pécuchet, immobile, et la terre du fossé, à la hauteur de son menton, les regardait en haletant. « Pas de faiblesse, » dit Gorju. « Je n'aurai qu'à manquer la diligence. On prépare un fameux coup de chien. J'en suis. Donne-moi 10 sous pour que je paye un gloria au conducteur. » Elle tira 5 francs de sa bourse. « Tu me les rendras bientôt. Et un peu de patience. Depuis le temps qu'il est paralysé, songe donc. » Et si tu voulais, nous irions à la chapelle de la Croix-Jean-Val. Et là, mon amour, je jurerai devant la Sainte Vierge de t'épouser dès qu'il sera mort. Mais il ne meurt jamais, ton mari. » Gorju avait tourné les talons. Elle le rattrapa et, se cramponnant à ses épaules, « Laisse-moi partir avec toi. Je serai ta domestique. Tu as besoin de quelqu'un. Mais ne t'en va pas. Ne me quitte pas. La mort, plutôt. Tue-moi. » Elle se traînait à ses genoux, tâchant de saisir ses mains pour les baiser. Son bonnet tomba, son peigne ensuite, et ses cheveux courts s'éparpillèrent. Ils étaient blancs sous les oreilles, et comme elle le regardait de bas en haut, toute sanglotante, avec ses paupières rouges et ses lèvres tuméfiées, une exaspération le prit. Il la repoussa. « Arrière, la vieille, bonsoir !» Quand elle se fit relever, elle arracha la croix d'or qu'il pendait à son cou et la jetant vers lui. « Tiens, canaille !» Gorju s'éloignait en tapant avec sa badine les feuilles des arbres. Madame Castillon ne pleurait pas. La mâchoire ouverte, les prunelles éteintes, elle resta sans faire un mouvement, pétrifiée dans son désespoir, n'étant plus un être, mais une chose en ruine. Ce qu'il venait de surprendre fut pour Pécuchet comme la découverte d'un monde, tout un monde, qui avait des lueurs éblouissantes, des floraisons désordonnées, des océans, des tempêtes, des trésors et des abîmes d'une profondeur infinie. Un effroi s'en dégageait, qu'importe. Il rêva l'amour, ambitionnait de le sentir comme elle, de l'inspirer comme lui. Pourtant il exécrait Gorju, et au corps de garde avait eu peine à ne pas le trahir. L'amant de Madame Castillon l'humiliait par sa taille mince, ses accroche-cœurs égaux, sa barbe floconneuse, un air de conquérant, tandis que sa chevelure à lui se collait sur son crâne comme une perruque mouillée. Son torse, dans sa houppelande, ressemblait à un traversin. Deux canines manquaient et sa physionomie était sévère. Il trouvait le ciel injuste, se sentait comme déshérité et son ami ne l'aimait plus. Bouvard l'abandonnait tous les soirs. Après la mort de sa femme, rien ne l'eût empêché d'en prendre une autre, et qui maintenant le dorloterait, soignerait sa maison. Il était trop vieux pour y songer. Mais Bouvard se considéra dans la glace. Ses pommettes gardaient leur couleur, ses cheveux frisés comme autrefois, pas une dent n'avait bougé, et à l'idée qu'il pouvait plaire, il eut un retour de jeunesse. Madame Bourdin surgit dans sa mémoire. Elle lui avait fait des avances. La première fois lors de l'incendie des meules, la seconde à leur dîner, puis dans le muséum, pendant la déclamation, et dernièrement, elle était venue sans rancune, trois dimanches de suite. Il alla donc chez elle, et y retourna, se promettant de la séduire. Depuis le jour où Pécuchet avait observé la petite bonne tirant de l'eau, il lui parlait plus souvent. Et soit qu'elle balayât le corridor, ou qu'elle étendît du linge, ou qu'elle tournât les casseroles, il ne pouvait se rassasier du bonheur de la voir. Surpris lui-même de ses émotions, comme dans l'adolescence. Il en avait les fièvres et les langueurs, et était persécuté par le souvenir de Madame Castillon étreignant Gorju. Il questionna Bouvard sur la manière dont les libertins s'y prennent pour avoir des femmes. « On leur fait des cadeaux, on les régale au restaurant. »« Très bien, mais ensuite ?»« Il y en a qui feignent de s'évanouir, pour qu'on les porte sur un canapé. D'autres laissent tomber par terre leurs mouchoirs. Les meilleurs vous donnent rendez-vous, franchement. » Et Bouvard se répandit en descriptions qui incendièrent l'imagination de Pécuchet comme des gravures obscènes. La première règle, c'est de ne pas croire à ce qu'elles disent. J'en ai connu qui, sous l'apparence de sainte, étaient de véritables messalines. Avant tout, il faut être hardi. Mais l'hardiesse ne se commande pas. Pécuchet, quotidiennement, ajournait sa décision, était d'ailleurs intimidé par la présence de Germaine. Espérant qu'elle demanderait son compte, il en exigea un surcroît de besogne, notait les fois qu'elle était grise, remarquait tout sa malpropreté, sa paresse, et fit si bien qu'on la renvoya. Alors, Pécuchet fut libre. Avec quelle impatience il attendait la sortie de Bouvard, quel battement de cœur dès que la porte était refermée. Mélie travaillait sur un guéridon, près de la fenêtre, à la clarté d'une chandelle. De temps à autre, elle cassait son fil avec ses dents, puis clignait les yeux, pour l'ajuster dans la fente de l'aiguille. D'abord, il voulut savoir quels hommes lui plaisaient. Était-ce, par exemple, ceux du genre de Bouvard ? Pas du tout. Elle préférait les maigres. Il osa lui demander s'il avait eu des amoureux. Jamais. Puis, se rapprochant, il contemplait son nez fin, sa bouche étroite, le tour de sa figure. Il lui adressa des compliments et l'exhortait à la sagesse. En se penchant sur elle, il apercevait dans son corsage des formes blanches, d'où émanait une tiède senteur qui lui chauffait la joue. Un soir, il toucha des lèvres les cheveux follets de sa nuque et en ressentit un ébranlement jusqu'à la moelle des os. Une autre fois, il la baisa sur le menton en se retenant de ne pas mordre sa chair, tant elle était savoureuse. Elle lui rendit son baiser, l'appartement tourna, il n'y voyait plus. Il lui fit cadeau d'une paire de bottines et la régalait souvent d'un verre d'anisette. Pour lui éviter du mal, il se levait de bonne heure, cassait le bois, allumait le feu, poussait la tension jusqu'à nettoyer les chaussures de Bouvard. Mélie ne s'évanouit pas, ne laissa pas tomber son mouchoir, et Pécuchet ne savait à quoi se résoudre, son désir augmentant par la peur de le satisfaire. Bouvard faisait assidûment la cour à Madame Bordin. Elle le recevait, un peu sanglée dans sa robe de soie gorge de pigeon, qui craquait comme le harnais d'un cheval, tout en maniant par contenance sa longue chaîne d'or. Leur dialogue roulait sur les gens de Chavignoles, où défunt son mari, autrefois huissier à Livarot. Puis elle s'informa du passé de Bouvard, curieuse de connaître ses farces de jeune homme, sa fortune incidemment, par quels intérêts il était lié à Pécuchet. Il admirait la tenue de sa maison, et quand il dînait chez elle, la netteté du service, l'excellence de la table. Une suite de plats d'une saveur profonde, que coupait par intervalles égaux un vieux pommard, les menait jusqu'au dessert, où ils étaient fort longtemps à prendre le café. Et Madame Bordin, en dilatant les narines, trempait dans la soucoupe sa lèvre charnue ombrée légèrement d'un duvet noir. Un jour, elle apparut décolletée. Ses épaules fascinèrent Bouvard. Comme il était sur une petite chaise devant elle, il se mit à lui passer les deux mains le long des bras. La veuve se fâcha. Il ne recommença plus, mais il se figurait des rondeurs d'une amplitude et d'une consistance merveilleuses. Un soir que la cuisine de Mélie l'avait dégoûté, il eut une joie en entrant dans le salon de Madame Bordin. C'est là qu'il aurait fallu vivre. Le globe de la lampe, couvert d'un papier rose, épandait une lumière tranquille. Elle était assise auprès du feu, et son pied passait le bord de sa robe. Dès les premiers mots, l'entretien tomba. Cependant, elle le regardait, les cils à demi fermés, d'une manière langoureuse, avec obstination. Bouvard n'y tint plus, et s'agenouillant sur le parquet, il bredouilla. « Je vous aime, marions-nous !» Madame Bordin respira fortement, puis, d'un air ingénu, dit qu'il plaisantait. Sans doute on allait se moquer, ce n'était pas raisonnable. Ses déclarations l'étourdissaient. Bouvard objecta qu'il n'avait besoin du consentement de personne. « Qui vous arrête? Est-ce le trousseau? Notre linge a une marque pareille, un B, nous unirons nos majuscules. » L'argument lui plut, mais une affaire majeure l'empêchait de se décider avant la fin du mois, et Bouvard gémit. Elle eut la délicatesse de le reconduire, escorté de Marianne, qui portait un falot. Les deux amis s'étaient cachés leur passion. Pécuchet comptait voiler toujours son intrigue avec la bonne. Si Bouvard s'y opposait, il l'emmènerait vers d'autres lieux, fût-ce en Algérie, où l'existence n'est pas chère. Mais rarement il formait de ses hypothèses, plein de son amour, sans penser aux conséquences. Bouvard projetait de faire du muséum la chambre conjugale, à moins que Pécuchet ne s'y refusât. Alors il habiterait le domicile de son épouse. Un après-midi de la semaine suivante, c'était chez elle, dans son jardin, les bourgeons commençaient à s'ouvrir, et il y avait entre les nuées de grands espaces bleus. Elle se baissa pour cueillir des violettes et dit en les présentant « Salut, Madame Bouvard. Comment? Est-ce vrai? Parfaitement vrai. » Il voulut la saisir dans ses bras, elle le repoussa. « Quel homme !» Puis, devenue sérieuse, l'avertit que bientôt elle lui demanderait une faveur. « Je vous l'accorde. » Ils fixèrent la signature de leur contrat à jeudi prochain. Personne, jusqu'au dernier moment, n'en devait rien savoir. « Convenu !» Et il sortit, les yeux au ciel, léger comme un chevreuil. Pécuchet, le matin du même jour, s'était promis de mourir s'il n'obtenait pas les faveurs de sa bonne, et il l'avait accompagnée dans la cave, espérant que les ténèbres lui donneraient de l'audace. Plusieurs fois, elle avait voulu s'en aller, mais il la retenait pour compter les bouteilles, choisir des lattes ou voir le fond des tonneaux, cela durait depuis longtemps. Elle se trouvait en face de lui, sous la lumière du soupirail, droite, les paupières basses, le coin de la bouche un peu relevé. « M'aimes-tu ? » dit brusquement Pécuchet. « Oui, je vous aime. Eh bien alors, prouve-le-moi. » Et l'enveloppant du bras gauche, il commença de l'autre main à dégrafer son corset. « Vous allez me faire du mal ?»« Non, mon petit ange, je n'ai pas peur. »« Si, monsieur Bouvard ?»« Je ne lui dirai rien, sois tranquille. » Un tas de fagots se trouvait derrière. Elle s'y laissa tomber, les seins hors de la chemise, la tête renversée, puis se cacha la figure sous un bras, et un autre eut compris qu'elle ne manquait pas d'expérience. Bouvard, bientôt, arriva pour dîner. Le repas se fit en silence, chacun ayant peur de se trahir. Mélie les servait, impassible comme d'habitude. Pécuchet tournait les yeux pour éviter les siens, tandis que Bouvard, considérant les murs, songeait à des améliorations. 8 jours après, le jeudi, il rentra, furieux. La sacrée garce! Qui donc? Madame Bordin? Et il conta qu'il avait poussé la démence jusqu'à vouloir en faire sa femme. Mais tout était fini, depuis un quart d'heure, chez Maresco. Elle avait prétendu recevoir en dot les écales, dont il ne pouvait disposer, l'ayant, comme la ferme, soldée en partie avec l'argent d'un autre. « Effectivement, » dit Pécuchet. « Et moi? Que la bêtise de lui promettre une faveur à son choix. C'était celle-là. J'ai mis de l'entêtement. Si elle m'aimait, elle m'eût cédé. » La veuve, au contraire, s'était emportée en injures, avait dénigré son physique, sa bedaine. « Ma bedaine, je te demande un peu. » Pécuchet, cependant, était sorti plusieurs fois, marchait les jambes écartées. « Tu souffres ? » dit Bouvard. « Oh oui, je souffre. » Et ayant fermé la porte, Pécuchet, avec beaucoup d'hésitation, confessa qu'il venait de se découvrir une maladie secrète. « Toi ? Moi-même. « Ah, mon pauvre garçon, qui te l'a donné ?» Il devint encore plus rouge et dit d'une voix encore plus basse, « Ce ne peut être que Mélie. » Bouvard en demeura stupéfait. La première chose était de renvoyer la jeune personne. Elle protesta, d'un air candide. Le cas du Pécuchet était grave pourtant, mais honteux de sa turpitude, il n'osait voir le médecin. Bouvard imagina de recourir à Barberou. Ils lui adressèrent le détail de la maladie pour le montrer à un docteur qui la soignerait par correspondance. Barberou y mit du zèle, persuadé qu'elle concernait Bouvard, et l'appela Virocantin tout en le félicitant. « À mon âge, » disait Pécuchet, « n'est-ce pas lugubre? Mais pourquoi m'a-t-elle fait ça? Tu lui plaisais. Elle aurait dû me prévenir. Est-ce que la passion résonne ?» Et Bouvard se plaignait de Madame Bordin. Souvent, il l'avait surprise arrêtée devant les écales, dans la compagnie de Maresco, en conférence avec Germaine, tant de manœuvres pour un peu de terre. « Elle est avare, voilà l'explication. » Ils ruminaient ainsi leur mécompte dans la petite salle au coin du feu. Pécuchet, tout en avalant ses remèdes, Bouvard, en fumant des pipes, et il dissertait sur les femmes. Étrange besoin, est-ce un besoin? Elle pousse au crime, à l'héroïsme et à l'abrutissement. L'enfer sous un jupon, le paradis dans un baiser, ramage de tourterelles, ondulation de serpents, griffes de chat, perfidie de la mer, variété de la lune. Ils dirent tous les lieux communs qu'elles ont fait répandre. C'était le désir d'en avoir qui avait suspendu leur amitié. Un remords les prit. Plus de femmes, n'est-ce pas? Vivons sans elles. Ils s'embrassèrent avec attendrissement. Il fallait réagir, et Bouvard, après la guérison de Pécuchet, estima que l'hydrothérapie leur serait avantageuse. Germaine, revenue dès le départ de l'autre, charriait tous les matins la baignoire dans le corridor. Les deux bons hommes, nus comme des sauvages, se lançaient de grands seaux d'eau, puis ils couraient pour rejoindre leur chambre. On les vit par la claire-voie, et des personnes furent scandalisées.